Amitié Vachard, c'est ce qui peut également définir Guillaume Auguis. Eh ben les transitions. Voilà. C'est fini ce temps-là. Bonjour les amis. C'est fini les transitions. Alors bon, je suis pas souvent sérieux dans cette émission. Vous me connaissez. Mais là, je pourrais citer 1000 phrases de lui, évidemment, mais je vais en garder une. L'important dans la vie, professionnelle mais pas que, c'est d'arrêter toujours vouloir focusser sur le day-to-day comme un teubé, dit alors Portnoy, comme survolté par l'émotion. Sinon, tu te coupes à fond de l'horizon pour ce carrière. Quelle phrase. Et ce mec a jamais eu le prix Nobel, quoi. Il a jamais eu le prix Nobel, Philippe Roth, etc. Putain de Suédois, quoi. Putain de Suédois. Heureusement qu'ils ont eu Abba là-bas. Vous pouvez la redire. C'est clairement pas une phrase de Guillaume Auguis, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'important dans la vie professionnelle, mais pas que, c'est d'arrêter de focusser sur le day-to-day. Parce que sinon, tu te coupes à fond de l'horizon post-carrière. Philippe Roth, du Philippe Roth dans le texte. Vraiment. Et donc. Je sais ce que vous allez dire, il a écrit d'autres trucs plus forts encore, oui, Philippe Roth, notamment tu sur les dérives de l'électroménager. Il y a des pages inoubliables sur le sexe avec la charcuterie, etc. Je sais, rip Philippe, mais au moins ici, il pose une vraie question. Quelle carrière après sa carrière? Prenez Daniel Morin, par exemple. Un exemple au hasard. Une longévité de... Pourquoi tu gémis? Une longévité de dictateur africain, accroché à son taf comme une moule à son matelot. Pas de reconversion pour Daniel, non, pas de reconversion, il va mourir à l'antenne comme Doc et du Foule, en susurrant une dernière chronique ambiguë, de sa voix suave et rassurante, de voleur de vieux. Mais pour les autres, quelle après-carrière? Prenez Barack Obama par exemple. Barack Obama, le mec le plus cool du monde avec Alain Gillot Pétré. Ah, c'est vrai, il parlait cumulonimbus comme personne, putain, rip Alain Gillot. Eh bien, Obama, il était président des États-Unis, en théorie c'est le pic de ta carrière. Derrière, quand tu vas chez Pôle emploi, les gens ont tendance, je vais pas vous mentir, monsieur Obama, ce que j'ai pour vous, ça va pas être aussi bien que ce que vous aviez avant. Honnêtement, vous avez déjà été pion. C'est un peu comme président, mais président d'une cour. Il faut aimer les crachats, quoi. Mais Barack, c'est stylé. Avec son épouse Michelle, ils vont produire des documentaires, des séries et des films pour Netflix dans le but de promouvoir l'empathie entre les peuples. Leur premier film sera une comédie sociale avec Christian Clavier. Puis il y aura une série documentaire sur l'engagement politique des frérots de la Vega. Tellement prometteur. Moi, j'aurais aimé pour une fois dans sa vie, Obama fasse un truc pas cool. Tu vois, genre qu'il annonce, voilà, avec ma femme, on va ouvrir un abattoir. C'est la miche qui va éventrer les vaches et les poulets. Moi, je ferai les moutons et les animaux rares. Qu'est-ce qu'il y a? Premier vegan qui chouine, je lui envoie les drones. Non, vraiment, ça aurait été bien pour une fois. Mais bon, c'est Michel et Barack. Ça reste un sans faute. Moi, en général, je suis pas hyper fan du concept de couple à cause des MST et tout. Et de tous ces trucs que t'attrapes quand tu forniques avec autre chose qu'une chaussette. Mais ouais, moi je préconise la fécondation in vitro, hein. C'est-à-dire que je kenne direct avec des tubes en verre. C'est vrai, Cédric Villani. Mais l'Obama, il te donne envie de trouver l'âme sœur, vraiment. En France, le seul couple qui fait un peu autant rêver, et encore, à la limite, c'est Leïla Kaddour Boudadi et Laurent Fabius. Et c'est plus pareil depuis qu'on sait qu'ils prennent leurs vacances au parc Astérix. Mais c'est sûr que Obama, c'est sûr qu'il allait nous sortir un truc, une reconversion stylée, alors que c'est dur d'être un ex-président stylé. Prenez François Hollande, par exemple. François Hollande. Enfin, quoique, je trouve qu'il est en voie de coolisation, François Hollande. Il va finir dans Burger Quiz, c'est sûr. Non, bientôt, ce sera le nouveau compte Insta à suivre sur Insta Hollande. Mais je suis certain, par contre, en revanche, je me demande ce que fera Emmanuel Macron quand il aura fini d'être banquier. Ma théorie, c'est que s'il a tellement voulu renouer avec les cathos, c'est parce que son dream job, je suis sûr, c'est évêque. Ça fait sens. Il part déjà comme un curton. Franchement, tu l'écoutes à 11h du matin le dimanche, tu peux pas faire la différence avec la messe. Vraiment, il y a 6 contre 1. Dans 10 piges, Macron, il en soutane. Et on l'appelle Monseigneur. Sûr et certain. Mais ce qui est dur, c'est vraiment de penser à l'après-carrière. Toujours. Même quand t'es chroniqueur, par exemple. Prenez Guillermo Guiz. Guillermo. On arrive en fin de saison. Là, j'ai demandé à Nagui ce que je pouvais attendre pour l'année prochaine. Il m'a répondu de faire comme tout le monde, d'aller sur Parcoursup. je lui ai dit, vous n'aimez pas mon travail, maître? Il m'a fait, non, c'est juste que plus la saison avance, moins on comprend ce que tu dis. On dirait que tu fais une espèce de longue AVC étalée sur plusieurs mois comme ça. Soit tu prends un orthophoniste, soit tu prends un ventriloque. Parce qu'en l'état, on ne peut plus le garder. Même Radio Courtoisie se moque de nous. Donc, vraiment. Et dire qu'ils vont gagner Daniel Morin. Allez, bonne émission. Merci. La bande originale.